Les petites histoires de Tell Me. Le joyau légumier. Quand vous rêvez de devenir le plus grand cuisinier du royaume et que votre péché mignon est le légume, il est naturel de le mettre à l'honneur dans votre cuisine. C'est en tout cas ce que pense Simon le cuistot, même si son envie paraît un peu folle dans un pays où le plat national est la tourte à la viande. Mais comme ses meilleurs amis, Léa et la Gruffe, raffolent de ses créations, il se dit qu'il a raison de persévérer. Après tout, si un plat arrive à mettre d'accord un humain et un dragon, tout est possible, non? Aujourd'hui est un jour spécial. Simon attend une livraison d'exception qui ne se produit qu'une fois par saison, celle des jardins de Mulgem. Un endroit magnifique, dans lequel des taches de couleurs incroyables s'épanouissent dans des feuillages luxuriants verts, émeraudes ou encore olives. Autant de légumes succulents dont chaque bouchée vous fait frissonner de plaisir. Un miracle végétal et gustatif rendu possible grâce à une joyeuse bande d'artistes légumiers, les lutins de la main verte. Le léger couinement d'une vieille carriole fait bondir Simon hors de la cuisine familiale. C'est Patate, le livreur des jardins de Mulgem. Habituellement joyeux, son regard est cerné et fuyant. Intrigué, Simon lui demande s'il va bien. Un vague « moi » sera sa seule réponse. Le garçon n'insiste pas, mais en déchargeant un premier cageot, il constate que les légumes sont plus petits et moins éclatants que d'habitude. « Patate, il y a un souci au jardin ?» La question semble achever le pauvre lutin qui lui révèle une bien triste nouvelle. « La terre autour des jardins, elle est malade. Autour du domaine, tout est mort. Les pluies sont chargées de suie. » Simon est sous le choc. Patate poursuit. « Il y a quelque temps, une scierie gigantesque et une mine à ciel ouvert sont apparues. Depuis leur arrivée, les villes aux alentours prospèrent et personne ne se soucie de nous ou de la nature qui se meurt. » Le sang de Simon ne fait qu'un tour. « Tu sais quoi, Patate? Je suis sûr qu'avec la Gruffe et Léa, on va trouver une solution. » L'avantage d'avoir un ami dragon, c'est de pouvoir voler. En plus de voyager plus vite, on peut facilement faire le point sur la situation. À l'approche des jardins de Mulgem, les trois amis se rendent compte de l'étendue du désastre. À quelques mètres du domaine des lutins, une terre morte. Comme si la végétation avait été arrachée. Une fosse déchire le sol. Creusée en spirale, elle a quelque chose d'hypnotique. À l'intérieur, de grosses explosions font s'écrouler des pans de roches entiers, aussitôt ramassés par des golems de métal. Plus loin, d'étranges machines arrachent les arbres comme de vulgaires fétus de paille. Un balai de carrioles achemine le tout jusqu'à un gigantesque dôme de fer duquel s'échappe un énorme panache de fumée blanche. Une tache de verdure oubliée se détache de ce paysage dévasté. Un bosquet luxuriant, d'où surgit un somptueux manoir. Une imposante pancarte est vissée sur son toit. On peut y lire en lettres majuscules « Gnoville, constructeur de rêves ». À peine la Gruffe a-t-il posé une patte à terre que les trois amis sont entourés par une armée de grands gaillards en armure noire. Un gnome, bedonnant, vêtu d'un manteau de fourrure violet et coiffé d'un haut de forme noire, fend le rempart de garde. Il pointe le trio avec son cigare, agacé. « Un dragon et deux mioches, j'aurais tout vu. Vous voulez quoi ?» Léa ne se laisse pas impressionner. « Vous parlez de ce que vous faites ?» Le gnome la coupe, fier de lui. « Vous aimez ? Franchement, ce que l'on fait ici, c'est grand ! On construit le futur !» Simon est outré. « En empoisonnant la terre ? À cause de vous, le domaine des lutins de Mulgem se meurt. Bientôt, il n'y aura plus aucun légume !» Le gnome balaye sa remarque de la main. « Et alors ? Ils n'ont qu'à déménager ? J'ai besoin de matières premières, moi. Je gagne un max avec mes créations. Et en plus, les gens sont heureux. Si vous ne me croyez pas, allez voir à Portvar. Maintenant, Arrêtez de me faire perdre mon temps. Dégagez. De la fumée s'échappe des naseaux de la gruffe. Les gardes se crispent. Mais alors que Léa s'apprête à dégainer son épée, Simon l'en empêche. Allons voir s'il dit vrai. Il ne tarde pas à arriver à Portvar, une ville gigantesque qui s'étend comme une demi-lune en bord de mer. Avec ses pierres blanches, elle brille comme un astre céleste. Pour n'effrayer personne, les enfants rentrent seuls dans la ville. Elle n'a rien à voir avec celle qu'ils connaissent. Tout y est grand, carré, étincelant. Les maisons s'étirent sur plusieurs dizaines d'étages. Les pavés ont remplacé la terre. Les fleurs sont confinées dans des pots. Les arbres sont aux abonnés absents. Partout, des ouvriers s'activent à construire des bâtiments encore plus imposants. Le gnome ne leur avait pas menti. Ici, tout le monde est radieux. Quand Léa et Simon leur demandent ce qu'ils pensent du chantier qui défigure l'intérieur du pays, on leur répond par un haussement d'épaules. Pour les habitants de Portvar, le progrès vaut bien quelques sacrifices. Ce n'est qu'avec lui qu'ils pourront profiter pleinement du monde. Dépités, les deux enfants rejoignent la gruffe. En écoutant leur récit, une drôle d'idée lui vient. S'ils veulent profiter du monde, tu n'as qu'à leur faire goûter. Quelques heures plus tard, un petit stand de cuisine s'est installé à l'entrée de la ville. Attirés par le délicieux fumet de la cuisine de Simon, deux curieux se présentent. À la première bouchée, une décharge d'émotion les cloue sur place. Ils repartent sans un mot, d'un pas si léger qu'ils donnent l'impression de flotter. Bientôt, une file d'attente serpente dans la ville. Tout le monde veut goûter la cuisine de Simon. On crie au prodige, mais il répond que c'est autant une question de talent que d'ingrédients. Des produits exceptionnels qui sont aujourd'hui menacés. Les trois amis allèrent dans toutes les villes de la région. Dégustation après dégustation, les habitants prirent conscience de l'importance de préserver le joyau légumier de Mulgem. Bientôt, le monstrueux dôme de fer ferma ses portes. L'ignoble gnome disparut, laissant derrière lui une terre meurtrie. Avec le temps, la nature reprit ses droits, et le talent des lutins aidant, les jardins des Mulgem ne tardèrent pas à retrouver leur splendeur d'antan. C'était une petite histoire de Tell Me, racontée par Arnaud Guillou. N'hésitez pas à nous laisser un commentaire sur iTunes, ça nous fera vraiment plaisir. Chaque jeudi, nous vous racontons une nouvelle histoire. Alors pour ne pas la rater, abonnez-vous au podcast. Et pour les 6-10 ans, plus d'histoires à lire sur tellming.com. T-A-L-E-M-I-N-G.com. À la semaine prochaine.